Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 66e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, si vous êtes bien dans la Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Je voulais vous remercier pour tous vos messages et dédicaces. Je voulais remercier quelqu'un, Eric, qui a eu la gentillesse de m'amener 2 cartons de cassettes audio. Donc du coup, bientôt, il va y avoir du son à la vinyle, cassette, live. Enfin bref, je vous prépare une super, super prochaine année. On commencera tout de suite cette émission avec une nouveauté, Raise Your Horns de Amon Amarth. C'est sur l'album Yom's Viking, sorti le 25 mars 2016. On retrouve Wanderer, On the Sea of Blood, Vengeance is My Name, un album d'anthologie. On continuera avec Strange Reality de Savatage. C'est sur l'album Streets, a Rock Opera, leur 6e album, sorti le 4 octobre 1991. On retrouve Streets, You're Alive et Agony and Ecstasy. Ah, j'adore ce magnifique album. On continuera avec Moma Long and Touch de Buju Banton. C'est sur l'album Gonna Bring You Up. Sorti en 2000, on trouve Stamina Daddy, Golden Spoon et Glamatize, un album qui vieillit bien. On poursuivra avec Ball in Chain de Social Distortion, c'est sur l'album Social Distortion, sorti le 27 mars 1990. On retrouve So Far Away, Story of My Life et She's Knockout. Et on finira ce bloc en live avec Hasta Siempre de Luc, c'est sur l'album La Tête en Arrière, sorti le 6 avril 2004. On retrouve Comme un Homme, La Sentinelle, Petite France, leur meilleur album, je pense. We fought hard and prevailed through the world.

settle down with a woman in a the metropolitan area. But everything I do seems to make her sad and blue. And everything I say, the woman turn it the opposite way. Tell me why. Tell me why, why. Lord, cause she a woman long tongue and she a mad and she. Everything you say to her, she run go tell somebody. Cause she a woman long tongue and she a mad and she. Everything you say to her, she run go tell somebody. Me mama don't like her because she chatty chatty. Me sister can't take her because she chatty chatty. A girl like her not to make your life unhappy. And when we are happy, people are buying power. And I talk for me girl, she a DVD. I took her to my mother, then I took her to my father. I am looking for a better wife. I need to live a decent life. But everything I do seems to make her sad and blue. Boy, and everything I say, the woman turn it the opposite way. Tell me why. Tell me why. She ran go tell somebody. Cause she a mumma long tongue and she a mother and she. Everything you say to her, she run go tell somebody. No matter what you do for ya, you never do nothing yet. No matter when you get ya, you never give ya nothing yet. A woman like a that, them walk come step step. A one man be want them and throw them by them neck. And he say, Mr. Mojo, I mean I send no dress. So in the morning I woke up, she's still in bed. What you doing here? Forget your promises on all the things she said. I bought her a house, a car, and a diamond ring. What? But to me, girl, they don't mean you one thing. Tell me why. Tell me why, why. Cause she a woman long tongue, she a mother and she. Everything you say to her, she run to tell somebody. Cause she a woman long tongue, she a mother and she. Everything you say to her, she run to tell somebody. She want the at the yard with everybody. We talk about who fat from who skinny. Who a gun best from every bikini. She no want to look away, my friend fi earn a penny. She prefers the iron and chat with Angie. And the people business but Miss Mary. And when Friday comes, she want to put your money. So come settle down with a woman in a the metropolitan area. But everything I do seems to make her sad and blue. Fire! And everything I say, the woman turn it the opposite way. Tell me why. What's the karma? Tell me why, why. Lord, that she a woman long tongue, she a mama that she. Ball and chain. find a perfect life. A brand new car and a brand new suit. I even got me a little wife. But wherever I have gone, I was sure to find myself there. You can run all your life, but not go anywhere. Take away this ball and chain. Well, I'm sick and I'm tired and I can't take any more pain. Take away, and I do return again. Take away. Ball and chain. Spent all my money. I've been drinking since a 12:30. Well, I'll wake there in the morning, or maybe in the county jail. Times are hard, getting harder. I'm born to lose and destined to fail. Take away this ball and chain. Well, I'm lonely. Take away this ball and chain. Le chant des morts et se baver battu 100 fois, le poing fermé jusqu'à s'en briser les doigts. Quand la vie elle vous dévore, quand la vie elle vous dévore, y'a plus que ça. Y'a plus que ça. C'est de la soie, de la bravoure de renégat. C'est du sang qu'il faut lui faire. Donne son sang pour les lui faire. Contre les rires et les renvois. Contre les rires et les renvois. Station de camarade. Station de camarade. Ne m'oublie pas. We'll be right back. qui résonne sous les sourdines des candidats, crier de l'hymne jusqu'à s'en briser la voix. Il y a ce cri qui prolifère, donne son sang pour les vipères, contre les rires et les renvois, contre les rires. Vous êtes toujours dans la 66e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Raise Your Horn, le nouveau Amon Amarth, Strangeality de Savatage, Moma Long and Touch de Buju Banton, Bowling Chain de Social Distortion et on a fini en live avec Hasta Siempre de Luc. Et j'ai oublié de le dire, mais c'est là je la dédicace à tous ceux qui me connaissent de près ou de loin. Tous mes copains de droite et de gauche, c'est tout pour vous les gars, c'est cadeau. On continuera avec Three Spirit de Birta. C'est une petite pépite d'une excellente série de compiles, The Day After the Sabbath. On peut retrouver sur iTunes. Il y a une page Facebook de Day After the Sabbath Follower. Et régulièrement, il partage des pépites de ce genre. On continuera avec Take Me Down, le nouveau Pretty Reckless. C'est sur l'album Who You Selling For, sorti le 21 octobre 2016, on retrouve Oh My God, Back to the River et The Devil's Back, un excellent album. On continuera avec une autre nouveauté, You and Your Echo de Twisted Oak, c'est sur l'album Red Ashes, sorti le 28 octobre 2016. On retrouve Neverland, The Other Cheek, Lorelei Lament, des super musiciens et gentils en plus. Allez faire un tour sur la page Facebook de Twisted Oaks. Ils ont aussi un Bandcamp. Je vous filerai tous les liens sur la page Facebook de l'émission. On continuera avec Pour tout le monde pareil de Tonton David. C'est sur l'album Récidiviste, sorti en 1995. On retrouve Tous ensemble, Vagabond et Les choses en face. Et on finira ce bloc en live avec un grand classique, King of the Metal de Manowar. C'est sur l'album Kings of Metal, leur sixième album, sorti le 18 novembre 1988. On retrouve Wheel of Fire, Heart of Steel et The Wire Prayer, entre autres. Running around with nobody else but you. I talk, talk, talk against the little rules. got a pen in hand. The conversation went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire, and we'll seal the deal with a kiss. Said I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scrawl my gods. Don't care what happens when I die, as long as rock, rock, rock. soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de danser. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de bouger. Pour mettre le reggae officiel à Paris, je suis prêt si tu veux bien avec moi. Pour faire passer le message dans le pays, jeune fille, voici le nouveau stuff que j'ai pour toi. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de danser. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de bouger. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, un coup de feu retentit. Non loin j'entends le murmure d'une mère qui pleure en serrant contre son baby. Dans une quelconque cellule, d'une quelconque prison ou d'un quelconque pénitencier, un jeune fait les 100 pas dans son nouveau meublé. 5 mètres carrés sans kitchenette avec les WC. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de bouger. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de danser. Mais le soleil brille, brille, mais le soleil brille pour tout le monde pareil. Danse, saute, danse, saute, oh. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil. C'est d'où j'arrive, de la cage d'escalier. C'est maximum respect pour tous les route boy passé. C'est bagarre, respect. Qu'est-ce qui se passe? Voici la boss discothèque. La musique nous emmène, nous a pris dans ses bras. Le départ est pour bientôt, c'est l'heure de faire ton choix. Boy, c'est l'heure de faire ton choix. Moi j'y vais, si tu veux viens avec moi. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de bouger. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Danse, saute, jeune fille, prends ton pied, personne ne peut t'interdire de bouger. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil. Yeah. Vous êtes toujours dans la 66e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc spécial fil. Free Spirit de Birta, le nouveau Pretty Reckless Take Me Down, le nouveau Twisted Oak, Yo and Your Echo. Il est excellent cet album Red Ashes, allez-y. Hein. Et vu que c'était tout pour les filles et que le soleil brille pour tout le monde pareil, donc c'était Tonton David avec tout, pour tout le monde pareil. Et oui, il y a énormément de femmes qui ont un talent énorme dans le rock'n'roll. Il y a des grands classiques et d'autres qui sont un peu moins connus, et justement c'est pour celles qui sont moins connues que j'ai créé ce petit bloc. Et on a fini en live avec King of the Metal de Manowar. On poursuivra cette émission avec Tenement Song, le nouveau Pixies, c'est sur l'album Head Carrier, leur sixième album sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Classic Measures, Talent et Shagalaga, un excellent album. Allez, on va enchaîner avec une autre nouveauté, Évasion, de le nouveau Mobius, c'est sur l'album The Line, leur nouvel album, leur premier album The Line, sorti en septembre 2016. On retrouve Cosmopolis, Rising Mind et Bursting Chaos, entre autres. Un album sensationnel, allez faire un tour sur la page Facebook de Mobius. On poursuivra avec Anarchy for Sale de Dead Kennedys, c'est sur l'album Bedtime for Democracy, sorti en novembre 1986. On retrouve Up with the Jet Set, Dear Abby et One Way Ticket to Pluto. Et je le dédicace à ce morceau à Jean-François qui nous écoute à Saint-Pierre-de-Varennes en Saône-et-Loire dans le 71 via archive.org. Merci à toi et passe un bon moment, profite de cette émission. On continuera avec Fracture Morale de Satan Jokers, c'est sur l'album Psychiatrique sorti le 4 janvier 2013. On retrouve Crime Tribal, Obsession et Panique Hystérique. C'est un concept album sur toutes les maladies psychiatriques, et Satan Jokers, ils aimaient bien les concept albums, et celui-là il est particulièrement bon. Et on finira ce bloc en live avec Heads de Scapé, c'est sur le Live in Woodstock sorti le 2 mai 2016. On retrouve Fulgas, Crimen Solicitationis et El Gato Lopez. C'est un groupe au top en live et j'adore les voir en live, ces mecs. Allez! Thank you. Cheap unite! Get some curly boots and studs. You should Vous êtes toujours dans la 66e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un excellent bloc là. Telamine Song, le nouveau Pixies, Evasion, le nouveau Mobius, Anarchy for Sale de Dead Kennedys, Fracture Morale de Satan Jokers. Il y en aura d'autres hein, des Satan Jokers. Hein. J'ai retrouvé quelques albums, on va se marrer. Et on a fini avec Heads, le nouveau Scapé en live. On poursuivra avec Children of the Grave de Black Sabbath, c'est sur l'album Master of Reality, leur troisième album sorti le 21 juillet 1971. On retrouve Sweet Leaf, Embryo et Lord of This World. Comme je disais tout à l'heure en début d'émission, je tenais à remercier Eric qui m'a filé ces deux cartons de cassette audio. Cet album Master of Reality était dedans, donc je vous l'annonce, dès l'année prochaine, en plus du son vinyle, il y aura du son cassette et on va bien se marrer. Elle est pas belge la vie. On continuera avec Russia High, le nouveau Moscova. C'est aussi tiré d'une compile, Compendium of Metal Quintessence. C'est la compile du label Music Record. Allez faire un tour sur la page Facebook de Music Record et bien sûr sur celle de Moscova. On continuera avec une autre nouveauté. Elle sera là, Si Lourde de Sync. C'est sur l'album Sync ST, sorti en juin 2016. On retrouve Une Autre Vie, Serpent, Le Désert et Humain. Un excellent album. Allez faire un tour sur la page Facebook de Think, vous trouverez les liens pour vous procurer ce superbe album. Et ce titre-là, Elle sera là si lourde, à la base, c'est un texte de Boris Vian. Et je trouve que c'est une bonne idée d'adapter des auteurs classiques comme Boris Vian. Merci à eux, c'est une très bonne idée. On poursuivra avec Puritania de Dibu Morgir. C'est sur l'album Puritanical Euphoric Misanthropia, leur cinquième album, un titre qui vous met à l'aise, hein, qui est sorti le 12 mars 2001. On retrouve Fear and Wonder, Kings of Carnival Creation et Burning Hell, entre autres. Un excellent album. J'aime bien, moi, Dibu Morgir. Et on finira ce bloc en live, avec Guns of Navarone, des Specials. C'est aussi tiré d'une compile, la compile Dance Craze, sortie en 1980. 81. On retrouve dessus Hip Hop Fatigue de Bad Manners, One Step Beyond de Madness, Too Much Pressure de Selector, enfin une excellente compilation. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 66e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Children of the Grave de Black Sabbath, Lucia Hyde, le nouveau Moscova, Elle sera la Silour, le nouveau Sync, Puritania de Dimmu Borgir et on a fini en live avec Guns of Navarone. On continuera cette émission avec Nouvelle Fondation, c'est le nouveau Note Époque. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2015 mais qui a été réédité. On retrouve Play With Me, Dominatrice et... belliqueux. Allez faire un tour sur la page Facebook et le Bandcamp de Note Époque. Laissez un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et ils ont sorti un live qui est plutôt pas mal. J'essaye de l'avoir et des nouvelles très vite. On continuera avec Too Much Information de The Police. C'est sur l'album Ghost in the Machine, leur quatrième album sorti le 2 octobre 1981. On retrouve Spirits in the Material World, Invisible Sun, Darkness. Idem, on retrouvera cet album en son cassette dans de futures émissions. Allez, une autre nouveauté, Bang Bang, le nouveau Fidel Fiasco, c'est aussi le titre de l'album sorti en juin 2016. On retrouve encore ici Le Clown et Raphaël, un excellent album folk punk. Et des bises à nos cousins du Québec. On poursuivra avec Can't See You de Peter Tosh, c'est sur l'album Mystic Man, son deuxième album sorti en 1979. On retrouve Mystic Man, The Day the Dollars Dies et Fighton, enfin... Un excellent, excellent... et bon, je dis rien, mais bon, c'est un peu Noël bientôt. Donc du coup, ben, on finira ce bloc en live avec PPN des Sales Majestés. C'est sur l'album Weekend Sauvage, sorti en 2008. On retrouve Bienvenue, Que pour un jour, Chant d'honneur, le meilleur album des Sales Majestés, je pense. Oh, On aimerait tous laisser quelque chose qui dure éternellement. La peine y penser, l'éternité c'est long en sacrament. Joue avec mon cœur, il fera sûrement pas long. Si demain je meurs, je veux que ça sente bon. Apporte des belles fleurs au salon, puis apporte ta sœur. Je la trouve bien canon. À quoi ça rime, peut-être ici ou peut-être là. Les mains en l'air, les armes en bas. Si tu l'aimes pas, c'est parce que tu danses pas. Aimes-tu l'air de ta chanson? Ben voyons donc, ben voyons donc. Cherche pas de raison, non. Au salut, ni son. La la la. Si vous croyez au Père Noël, chapeau! On vient de s'écouter Nouvelle Fondation, le nouveau Note Époque, Too Much Information, The Police, Bang Bang, le nouveau Fidel Fiasco. J'ai oublié de le dire, mais ils ont fait un clip Fidel Fiasco. Je le partagerai et viendrai liker et surtout partager parce qu'ils sont vraiment, vraiment forts, ces Québécois de Fidel Fiasco. On a continué avec Can't See You de Peter Tosh et on a fini avec PPN, Petit Papa Noël des Salles Majestés en live. Oui, mais moi j'y crois encore un peu au Père Noël. Un jour, les gens ils s'aimeront entre eux. Et donc, cette 66e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On poursuivra avec Endless Childhood, le nouveau Igor and the Hippie Land. C'est sur l'album Wonderful Circle sorti la semaine dernière. On retrouve Be The One, Shadow et The Man With No Name. Allez faire un tour sur l'espace Facebook de Igor and the Hippie Land. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. À la semaine prochaine, quand même, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, salut à toutes et toutes, la tribu! Childhood, I just can't get over. We're never done, we haven't found forever.